L'ambiguïté des supposés salafis sur l'obéissance au gouverneur. Louange à Allah et que la bénédiction et la paix d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille, ses compagnons et quiconque suit sa guidée. Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-la à Allah et aux messagers si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation et aboutissement. Sourate 4, verset 59. Le verset mentionné ci-dessus est celui qui est utilisé par la secte des pseudo-salafis afin de commander aux gens l'obéissance au gouverneur, et cela de manière générale. Nous allons, Inch'Allah, tâcher de vous développer leurs ambiguïtés afin de vous informer de leur stratagème, bi'idznillah. L'interdiction d'obéir aux mécréants et gouverneurs. Dans le verset 4 de la sourate 59 ci-dessus, on remarque qu'Allah Ta'ala nous a ordonné de lui obéir, d'obéir aux messagers et à ceux qui détiennent le commandement. Mais constatez qu'Allah Ta'ala n'a pas employé le verbe « obéir » quand il a parlé de ceux qui détiennent le commandement. Et ceci, parce que le gouverneur peut être musulman, athée, communiste, chrétien, juif ou démocrate. Et dans ce cas, il va de soi que l'obéissance est inapplicable. Nous demandons alors à ce groupe égaré, est-ce qu'Allah Ta'ala nous a ordonné d'obéir aux mécréants qui contredisent son livre ou d'obéir au gouverneur sous certaines conditions? Il est primordial de bien comprendre ce verset de sorte à ne pas tomber dans leurs ambiguïtés. L'obéissance due à ceux qui détiennent le pouvoir est soumise à des conditions et ne peut être générale. Les conditions sont les suivantes. 1. Le gouverneur doit être musulman. 2. Il doit être légitime, c'est-à-dire placé à son poste selon la loi islamique. 3. Le gouverneur doit appliquer le Coran et la Sunna. En prenant compte de ces conditions, nous avons vite fait de comprendre qu'actuellement, aucun gouverneur n'est concerné par ce verset. L'ensemble des pays tels que l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte sont dirigés par des Tawarites. Tous sont membres de l'ONU et ont fait serment d'allégeance à la démocratie. Leurs constitutions sont souillées par la mécréance et le shirk, reniant ainsi ce qu'Allah a fait descendre à son messager. Il est donc strictement interdit d'obéir à ces gouvernements mécréants. Ouvrez vos yeux et parcourez la terre. Il n'y a au pouvoir que des tawarites qui se sont mis à l'égal d'Allah Ta'ala, préférant leur loi impie à notre sharia pure et glorieuse. Comment peuvent-ils donner droit à ces gouverneurs qui ont trahi notre religion, l'islam ? Ada ibn Samet relate : nous avons prêté allégeance au messager d'Allah sur le fait d'écouter et d'obéir dans ce que nous aimons et ce que nous détestons, dans l'aisance et la difficulté, et même lorsque nous sommes privés de nos parts qui nous sont dues, et de ne pas disputer le pouvoir à celui qui le détient. Et le prophète a dit, sauf si vous constatez la mécréance évidente sur laquelle vous avez une preuve claire d'Allah. Hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim, la source dans Fath al-Bari, volume 13, page 204. L'imam al-Nawawi a bien expliqué ce hadith. Il a dit qu'un tabi'i qui se nommait Qadir Iyad a dit « Les savants sont d'accord que le commandement ne doit pas être donné à un mécréant. Et si le dirigeant fait preuve de kufr, de mécréance, il doit être remplacé. De même s'il abandonne la prière et cesse d'y appeler les gens, et s'il appelle à la bid'a selon la majorité des savants. » Il dit aussi « S'il manifeste du kufr, un changement de sharia ou de bid'a, il est hors du commandement et lui obéir devient invalide. » C'est une obligation pour les musulmans de se lever pour le remplacer par un dirigeant juste s'ils peuvent. Mais si cela ne peut être fait que par un groupe d'entre eux, c'est une obligation pour eux de supprimer le dirigeant kafir, mécréant. Sahih Muslim, explication de Nawawi 12, numéro 229. Allah dit, n'obéissez pas à l'ordre des outranciers qui sèment le désordre sur la terre et n'améliorent rien. Sourate 26, versets 151-152. Les preuves claires sur les mécréances des gouverneurs actuels sont abondantes et les versets suivants témoignent. Allah Ta'ala dit, « Et ceux qui ne juge pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Sourate 5, verset 44. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Sourate 12, verset 40. Il n'associe personne à son commandement. Sourate 18, verset 26. Juge alors parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion et prends garde qu'ils ne te tentent de t'éloigner d'une partie de ce qu'Allah t'a révélé. Sourate 5, verset 49. Est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'ils cherchent? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? Sourate 5, verset 50. Chercherai-je un autre juge qu'Allah, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé? Ceux auxquels nous avons donné le livre savent qu'il est descendu avec la vérité venant de ton Seigneur. Ne sois donc point du nombre de ceux qui doutent. Sourate 6, verset 114. Ceux qui ont le cœur sincère prendront en compte la grandeur de ces versets, qui ne sont qu'une partie du Saint-Coran concernant ce sujet. Les preuves sont nombreuses, attestant que le fait d'appliquer une autre constitution que la sharia et de juger avec autre chose que celle-ci est une mécréance évidente. Aucun des gouverneurs actuels ne juge avec le Coran et la Sunna. Et ceux qui prétendent gouverner avec des lois islamiques comme l'Arabie Saoudite font partie des membres fondateurs des Nations Unies, de l'ONU, et ont autorisé ce que Allah a interdit. Ils affirment être de l'islam alors qu'ils sont soumis à d'autres lois corrompues inventées par la raison humaine. Sachez qu'il ne peut y avoir d'intermédiaire entre la mécréance et la foi. Allah a dit, et ceux qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance, les voilà les vrais mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Sourate 4, verset 150-151. Ibn Kathir dit concernant le verset 59 de la sourate 4. C'est pour cela qu'Allah dit « Obéissez à Allah », c'est-à-dire suivez son livre, le Coran. « Obéissez au messager », c'est-à-dire suivez et respectez sa tradition, la sunna. « Et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement », c'est-à-dire obéissez à ceux-là dans le cadre de ce qui se conforme seulement aux obéissances d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas d'obéissance quand il y a désobéissance à Allah ». Ali ibn Abi Talib, qu'Allah a dit « Le devoir qu'a l'imam, c'est de gouverner avec ce qu'Allah a fait descendre et d'exécuter ce dépôt. Et s'il fait cela, alors il mérite d'être écouté et suivi par ses sujets. » Voir dans Tafsir al-Barawi de la sourate 4, verset 59. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui m'obéit a obéi à Allah, et celui qui me désobéit, désobéit à Allah. Celui qui obéit à mon commandement, m'a obéi, et celui qui désobéit à mon commandement, me désobéit. » Rapporté par Muslim. La secte des pseudo-salafis mélange le vrai au faux, pour tromper les ignorants débutants dans l'islam. Ainsi, ces adorateurs des tawarites et des savants gouvernementaux ont pour habitude dans leur prêche de présenter les versets et hadith qui ordonne l'obéissance au gouverneur, mais ne transmettent jamais à leurs auditeurs les hadiths et versets qui mettent en garde contre une obéissance illégitime qui vous ferait tomber dans l'association. Notre noble messager sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde dans ce hadith. Ô Ka'b ibn Ajra, qu'Allah te préserve de l'émirat des sots. Et l'on demanda, quel est cet émirat, ô messager? Il répondit, des émirs qui viendront après moi et ne suivront pas ma sunna ni ma guidée. Et celui qui les déclarera véridiques dans leurs mensonges et les aidera dans leur injustice ne sera pas des miens et je ne suis pas des leurs. Et il ne viendra pas boire à mon bassin. Et celui qui ne croira pas en eux dans leurs mensonges et ne les aidera pas dans leur injustice sera des miens et je suis des siens. Et il viendra s'abreuver à mon bassin. Source rapportée par l'imam Ahmed dans son Mousnad. Nous allons répondre à une de leurs ambiguïtés. Nous espérons que cela vous sera profitable, Inch'Allah, et vous aura à voir clair dans ces dangereux stratagèmes. L'histoire du négus. Il s'agit de l'ambiguïté rapportée au sujet d'une histoire lointaine concernant un négus à qui le prophète, alayhi salatu wassalam, a ordonné d'obéir. À travers cette histoire, les pseudo-salafis cherchent à nous faire croire qu'obéir aux mécréants est autorisé. Ceux qui ramènent cette ambiguïté pensent qu'il n'y a eu qu'un seul négus et que celui-ci était mécréant. Ce qui est complètement faux, car la première condition de l'obéissance est que le détenteur du pouvoir soit musulman. D'autant plus, le terme négus est un titre et il peut y avoir parmi eux des musulmans ou des mécréants, comme il y a eu jadis plusieurs pharaons en Égypte, plusieurs empereurs à Rome et plusieurs rois et présidents. Cela est confirmé dans les récits islamiques qui nous enseignent que notre prophète, alayhi salatu wa salam, a prié sur l'un d'eux et a envoyé un autre un message pour l'inviter à l'islam. Anas ibn Malik a dit que le prophète, alayhi salatu wa salam, a envoyé un message au négus et qu'il ne s'agissait pas du négus sur lequel le prophète, alayhi salatu wa salam, a prié, rapporté par Muslim. Nous demandons à ces pseudo-salafis de nous rapporter un hadith authentique ou un ijma, un consensus des savants que le négus aurait gouverné avec une loi autre que celle d'Allah Ta'ala, ne serait-ce qu'une seule fois après avoir accepté l'islam. Car si nous nous en tenons à leurs propos concernant ce négus qui, selon eux, aurait jugé avec d'autres lois que celles d'Allah, alors cela démentirait le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a qualifié de juste. Et Allah Ta'ala a dit, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les injustes. Sourate 5, verset 45. Ces personnes ont contredit avec leur allégation la parole de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car ne pas juger avec la loi d'Allah Ta'ala est le sommet de l'injustice. Il est important de savoir qu'utiliser l'histoire du négus comme argument relève de l'analogie, al-qiyas. Or, le qiyas est utilisé quand on ne trouve pas de preuve en rapport avec un sujet dans le Coran et la Sunna. On utilise alors un texte similaire et on l'applique sur le sujet concerné, comme par exemple pour l'interdiction du cannabis, où les savants se sont servis du verset concernant l'alcool pour interdire toute substance enivrante. Parmi les conditions pour utiliser al-qiyas, il y a donc l'absence de texte dans le kitab ou la Sunna. Or, les pseudo-salafis se servent de l'histoire du négus qu'ils interprètent de façon mensongère pour l'appliquer sur les tawarites actuels, alors qu'il existe de nombreux textes clairs et non ambigus dans le Coran et la Sunna concernant la mécréance de celui qui n'applique pas les lois d'Allah et de l'importance de s'en désavouer. Enfin, voyons quelques hadiths qui mentionnent l'obligation d'obéir aux musulmans. Ce sont ces mêmes hadiths qui sont utilisés par cette secte. L'obligation d'obéir aux musulmans parmi les gouverneurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y aura après moi des imams qui ne guideront pas d'après ma guidée et ils n'établiront pas d'après ma sunna. Il y aura parmi eux des hommes au cœur de démons dans un corps d'homme. » Hudhayfa demanda « Que dois-je faire si je rejoins cette époque ?» Le prophète répondit « Tu écoutes et obéis à l'émir, même s'il frappe ton dos, prends ton argent, écoute et obéis. » Rapporté par Muslim. Il a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il aurait dit « Le gouvernant est l'ombre d'Allah sur la terre. » Et on dit que 60 ans d'un gouvernant despotique valent mieux qu'une seule nuit sans gouvernant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je vous recommande la taqwa, la crainte, envers Allah et une totale obéissance même si un esclave devient votre chef. Car celui auquel sera prêtée une longue vie verra de nombreux différents. » Rapporté par Abu Dawud et At-Tirmidhi. Abu ibn Malik, Kalalagri, a dit « J'ai entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, dire « Les meilleurs de vos gouverneurs sont ceux que vous aimez et qui vous aiment, pour lesquels vous priez et qui prient pour vous. Et les pires sont ceux que vous détestez et qui vous détestent, et que vous maudissez et qui vous maudissent. » Nous dîmes « Ô messager d'Allah, sommes-nous en droit de nous révolter contre eux ?» Il dit « Non, tant qu'ils font la prière avec vous. Celui qui voit son gouverneur faire un péché doit détester ce qu'il commet comme acte de désobéissance envers Allah, sans toutefois refuser de lui obéir. » Rapporté par Muslim. D'après Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Écoutez et obéissez même si on désigne pour vous commander un esclave abyssin dont la tête ressemble à un raisin sec. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et bien d'autres hadiths encore. Tous ces hadiths sont véridiques et il est effectivement obligatoire de ne pas se rebeller envers le musulman qui nous gouverne avec la sharia, avec la loi d'Allah, tant que celui-ci pratique la prière, la salat, même s'il viendrait à nous prendre nos biens ou qu'il soit injuste, de couleur blanche, noire ou esclave. La parole du prophète, alayhi salatu wa salam, est claire. C'est dans leur cœur qu'il y a l'ambiguïté. Leurs pensées tordues les mènent à appliquer les hadiths qui concernent l'obéissance envers les musulmans sur des mécréants. Notre noble prophète, alayhi salatu wa salam, nous aurait-il commandé d'obéir aux tawarites qui accomplissent la salate? Par Allah, bien sûr que non. Il est préférable d'obéir à un esclave qui gouverne avec le livre d'Allah plutôt qu'un tarout, c'est-à-dire un mécréant. En effet, Umm al-Hussein rapporte « J'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire lors du pèlerinage d'adieu, même si un esclave vous gouvernant avec le livre d'Allah est nommé à votre tête, écoutez et obéissez. » Rapporté par Muslim dans le tome 3, page 1468. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vous gouvernant avec le livre d'Allah ». Il n'a pas dit « avec les lois inventées des hommes ou la démocratie ». Leur égarement au pseudo-salafi est de ne pas savoir faire la différence entre un khalifa islamique, comme l'étaient auparavant ceux de Abu Bakr, Omar ibn al-Khattab, Othman, Ali, Muawiyah, qu'Allah les agrée tous, et les constitutions des pays arabes actuels gouvernés par des tawarites tels que qu'étaient Bouteflika ou Ben Ali, Mohamed VI, Saoud, Moubarak, et tous ces tawarites là d'aujourd'hui qui gouvernent avec les lois d'Iblis, etc., etc., etc. Nous avons souhaité, bi'idhnillah, vous mettre en garde contre cette secte. Accrochez-vous à l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et écartez-vous de ces prédicateurs du mal qui accusent les mouahidines, les monothéistes, de khawarij ou de tekfiri, parce qu'ils prêchent le désaveu du tarout et des mouchrikines, des associateurs, comme l'ont fait avant nous tous nos messagers sur eux la paix. Ils veulent éteindre avec leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah ne veut que parachever sa lumière. Quelques répulsions qu'en est les mécréants. Sourate 9, verset 32. Ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper et que le grand trompeur Satan ne vous trompe pas à propos d'Allah. Sourate 35, verset 5. Et Allah demeure le plus savant.